live from the Alsace for Radio Pognosit. Direct live from the Alsace. En direct avec un animateur en chair et en os et surtout pas un robot. Merci. Donc c'est le direct live from the Alsace comme vous venez de l'entendre, alors n'hésitez pas à venir faire un tour sur le chat. Donc vous cliquez sur planning de la radio, puis donc ça se trouve sous le dessin de la radio, là en dessous de l'autruche, en haut à gauche. Et ensuite vous avez un tableau, vous cliquez sur accès au chat en Java. Et c'est là que vous avez donc accès au chat où je me trouve moi-même. Donc l'émission vient de commencer, elle est en direct, non vous inquiétez pas, non plus de robot, hein. C'est bien un animateur qui parle dans un micro avec de vraies cordes vocales. Et juste un petit rappel, là c'est le générique que l'on a derrière, l'aspirateur traîneau du père Fouettard, donc que vous pouvez, donc dans la rubrique triturer, mélanger, servir, il y a de quoi faire pour remixer, redécouper, transformer, rajouter vos propres ingrédients. Et puis faire vos petits montages comme ça, quand je dis petit montage, c'est en termes de durée, pas plus de 2 minutes si possible, hein, essayez de vous en tenir à ça pour que ce soit utilisable comme générique pour le direct live from the Alsace. Aujourd'hui, principalement, on va commencer par de la chanson francophone et après ça va être du jazz. Direct live from the Alsace, comme à l'accoutumée, sera suivi du relais de Makeface Radio avec silence sonore, précédé du Chicken Mix. Oula, ça démarre un peu trop vite. Alors évidemment, là, ce que vous avez entendu, c'est le début du morceau qui est prévu. Il s'agit de Egon, qui nous interprète Idée Polaire, qui nous, ça date de 2006, sous licence Creative Commons by NCND. Alors, courage, c'est bientôt le printemps, hein. Je suis nu et je marche sur une étendue de glace, je crie pour appeler, mais aucun son ne se produit, juste de l'air froid. J'avance et la glace se brise sous mes pas. je me retrouve dans l'eau glacée. Je remonte à la surface, mais il y a de la glace. Et je frappe avec mes poings, avec mes pieds, pour respirer. Mes gestes n'ont aucun effet. Mes mouvements sont ralentis. J'arrive enfin à sortir, mais mon corps est gelé. Il se fend et casse comme le verre. Des morceaux tombent par terre. Et je ne ressens rien. Tu es parti ce matin. Alors, toujours en direct, live from the Hellsass, c'était Egon, c'était extrait de l'album Le Grand Jeu. Ça se trouve comme à peu près tout ce qu'on va entendre, quasiment tout, sur l'archive de Dogmazic, hein, www.dogmazic.net/EGON, Egon, et vous avez non seulement ce morceau, mais tous les autres morceaux qu'il peut avoir. Hop là, ah ben là je suis sur son site web, enfin ça va aussi. Donc il a un site web, www.toutsuregon.com, www.toutsuregon, en un seul mot, .com. Egon sur France 3 pour l'inauguration de la borne Automazic, et il y a une vidéo qui est disponible également. Qu'est-ce qu'on a également? On va voir aussi donc sur sa page Dogmazic qu'est-ce qu'il peut y avoir. Le temps que ça se charge, il a en plus un violon en main. Est-ce qu'il en joue? Alors ça, c'est peut-être... Il va falloir que je fouille un peu toute son archive, là, sur les 16 morceaux qu'il a inscrits, il joue effectivement du violon. Mais revenons à nos chansons. Juste une heure, ça c'est le titre. Juste une heure, de Nico. En décembre 2008. Hein, là c'est assez récent quand même, sous une licence qui est assez rare, la Creative Commons Non Commercial Sampling Plus 1.0. Juste une heure, et pourtant ça dure à peine 2 minutes. C'est pas prêt que je... Alors, hop là, qu'est-ce que j'ai des petits trucs là, des petits. Déjà mes fenêtres là qui me jouent des tours. Où est-ce qu'il est lui? Voilà. On enlève tout, on met ça. Ouf, et il veut pas. Voilà. J'ai un fichier qui ne veut pas glisser. Juste une heure, peut-être qu'il voulait passer une heure à m'embêter encore ce fichier. Évidemment, ça pouvait pas louper quoi. Quand on veut que ça marche, c'est là que ça plante. Et inversement, quand on aimerait bien que ça plante, c'est là que ça marche, alors que ça ne nous aurait pas arrangé. C'est un petit peu les lois de Murphy, donc juste une heure par Nico. En première page, avoir juste une heure. La force du courage, avoir juste une heure. La guitare de Jimmy, avoir juste une heure. Le coup droit d'Agassi, avoir juste une heure. Le pied droit de Zidane, avoir juste une heure. Son pied gauche aussi, avoir juste une heure. Les honneurs du mérite, avoir juste une heure. La gueule de Brad Pitt, avoir juste une heure. La haine d'un terroriste, avoir juste une heure. Des sandales de touriste, avoir juste une heure. Le pied droit de Zidane, avoir juste une heure. Son pied gauche aussi, avoir juste une heure. Fais le tour de la terre, avoir juste une heure. L'amour de l'abbé Pierre, être juste une heure. Antique dans Babylone, avoir juste une heure. Sauver la vie d'un homme, avoir juste une heure. Le pied droit de Zidane, avoir juste une heure. Son pied gauche aussi, allez. Avoir juste une heure, la tête de son pays, avoir juste une heure. toujours envie d'avoir juste une heure. La plume de Jacques Brel, avoir juste une heure. Le soupir éternel, avoir juste une heure. Le pied droit de Zidane, avoir juste une heure. Son pied gauche aussi, avoir juste une heure. Pas peur de la mort, être juste une heure. Accuser tous les torts, avoir juste une heure. Les seins de Monica, avoir juste une heure. La vie d'un hors-la-loi, avoir juste une heure. Le pied droit de Zidane, avoir juste une heure. Son pied gauche aussi, avoir juste une heure. Aucun besoin de rien, avoir juste une heure. Le loto de demain, avoir juste une heure. Juste une heure, avoir juste une heure. Juste une heure, avoir juste une heure. Le pied droit de Zidane, avoir juste une heure. Son pied gauche aussi. Juste une heure. Ah oui, juste une heure. Pour Andy Warhol, c'était seulement un quart d'heure. Donc il y a un petit peu d'inflation dans l'air. Hein. Après, ben, on passe à Alban le Psy, qui nous... Comment que ça s'appelle ? Mémoire phénoménale, ben, composé par... ah oui, c'est par Alban le Psy, c'est de, oui, sous licence art libre de la chanson... oui, c'est de la chanson francophone, je crois, il me semble, je ne me rappelle plus très bien. La chanson francophone, oui... Et puis voilà, là je fais le malin, quoi. Et puis maintenant, c'est maintenant que j'ai effectivement un trou. Donc pouf, ça on enlève. Et là, je suis en train de m'empatouiller dans mes trucs. Là. C'est absolument pas possible de travailler comme ça. On m'a demandé de mettre, d'essayer d'afficher les titres dans le stream. Mais pas évident, ça se comporte franchement pas comme il faudrait, je crois que je vais bientôt arrêter de faire comme ça. Oula, alors je suis en train de chercher, j'ai encore plus de pages d'ouvertes qu'habituellement, donc c'est de la voix guitare en live, paraît-il, ça, c'est de l'album Entre nous et autoproduit, ça nous, ben, c'est juin 2008, ça a 6-8 mois. On va vous le faire passer, quoi. Et puis bon, je vais essayer, je vais peut-être arrêter de passer par Winamp et revenir à ça y est, j'ai donné un nom de marque, par l'autre logiciel propriétaire, ce sera peut-être plus simple pour moi. Quand je rentre dans mon foyer, je passe par la fenêtre. J'oublie tout le temps mes clés, ma mémoire est bien traître, je ne sais même plus la date. L'anniversaire de ma femme, y a pas que moi qui la rate, alors ce n'est pas un drame. Et oui, je suis comme ça, j'ai une mémoire phénoménale que je n'utilise même pas. Je suis pire que banal, il y a Anguille sous roche. Je n'ai même plus de sous, car j'ai perdu ma poche. C'est dire que j'oublie tout, j'oublie n'importe quoi. Pour les codes, quelle horreur, je ne les retiens même pas. C'est mon plus grand malheur, quelle date je suis né. C'est quand le 14 juillet, attendez, je me souviens. Ma carte bancaire, c'est le 4, oh là là. Je n'ose plus appeler ma femme, j'ai oublié son numéro. Ne me traitez pas d'infâme, je suis en porte-à-faux. Je n'ose plus l'appeler aussi que par mon ange, ma chérie. Car sacré nom de nom, j'ai oublié son nom. Mon Dieu, pauvre de moi, ma mémoire ne marche pas. J'ai une lacune à ce niveau-là. La la la la la la la. Me demandez surtout pas trop de retenir tous ces mots, sauf les vers des chansons qui me servent de boisson, un rendez-vous de prix. Et c'est l'oubli d'y aller. Arrêtez de rigoler, mon mariage l'ai loupé. Mon Dieu, je n'en peux plus. Je suis fauché dans la rue. Je me suis perdu comme une tarte. Je sais plus où est mon appart. J'oublie ce qui m'arrange, les factures, les impôts. Tout ça, je les range par terre sous mon bureau. C'est un très grand fouillis dans ma mémoire aussi. D'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi vous êtes venus. En tout cas, moi, je sais pourquoi vous êtes venus. C'est pour écouter de la musique libre et faire un petit peu, pour partager un petit peu mes découvertes. J'avais prévu comme fait, de faire une émission spéciale, un petit peu genre les cinglés du musical, avec le même genre de répertoire, mais peine perdue, il n'y a pas grand-chose qui soit en musique libre. Il se trouve que pas mal d'auteurs-compositeurs sont encore, ont survécu très longtemps à leur composition. Et donc, du coup, ce projet d'émission spéciale est parti en autre boudin. Mais enfin, bon, les petites choses que j'avais trouvées, glanées ça et là, qui sont restées. J'avais aussi prévu de faire une émission spécialement sur le piano, mais avec toujours les mêmes, finalement, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de monde, finalement, qui fait du piano. Donc, ce qui va suivre aurait pu convenir aussi bien à l'une ou l'autre des émissions, qu'il s'agisse du... qu'il s'agisse de la... du piano ou du musical. La complainte des pianos dans les quartiers aisés, qui avait été enregistrée. Le texte, c'est un poème de Jules Laforgue. Et la musique est de Gloop for Free, qui a été enregistrée sur un 78 tours pâté de campagne, référence 589-456-A3, la matrice 27697 du 8 mai 1908. Donc il s'agit d'un foxtrot sous licence Creative Commons by NCSA 2.0. Gloop for Free a autoproduit ça lui-même, il y a un siècle de ça, il y a un peu plus d'un siècle. Il a même, en jouant du piano et de la clarinette en même temps, et en chantant, tout ça à la fois, et en plus, il a tourné lui-même la manivelle du phono. On ne pouvait pas faire plus autoproduit. L'électron bien nourri, les pianos, dans les quartiers aisés. Premier soir sans par-dessus, chaste planerie, aux complaintes des nefs incompris ou brisés. Ces enfants à quoi la peine, dans les ennuis des ritournelles, et au des tu t'en vas et tu nous laisses et tu t'en vas, et faire et refaire tes tresses bridées d'éternel canevas. Vague triste ou sage encore pur, au jour tout m'est égal, ou monde, moi je veux, et si vierge du moins de la bonne blessure, sachant quel gras couchant ont les plus blancs aveux. Mon Dieu, à quoi donc elle rêve-t-elle? À des Roland, à des dentelles, cœurs en prise. Lente saison, cœurs en prison, lente saison, tu t'en vas et tu nous quittes et tu t'en vas, où vend vie, cœur dessus la vie, sur nos seins nous croisons nos bras. Fatale clé de l'être, un beau jour apparu, sit osé réciter en ponctuel ferment, dans le bal incessant de nos étranges rues, à pensionnat, théâtre, journaux, à romans, à les stériles ritournelles, la vie est vraie et criminelle. la source des frères Rosier Bell. Vraiment, et lui qui ne vend pas, il viendra, vous serez les pauvres cœurs en faute, fiancés, autrement, comme aux essais sans fond, et les suffisants cœurs cossus n'ayant d'autre hôte qu'un train pavoisé d'estime et de chiffon, mourir peut-être brûle-t-elle. Pour un oncle à dot des bretelles, jamais, jamais, si tu savais, jamais, jamais, si tu savais, tu t'en vas et tu nous quittes, tu nous quittes et tu t'en vas, mais tu nous reviendras bien vite. Guérir mon beau mal, n'est-ce pas? Et c'est vrai, l'idéal est fait d'Isaac et toute vigne bohème, même en ces quartiers aisés. La vie est là, le pur flacon des vies de goutte sera comme il convient d'eau mon propre baptisé. Aussi bientôt se rejoindront-elles de plus en exacte rétournelle. Seul au rayon mur familier, seul au rayon mur familier, tu t'en vas et tu nous laisses, tu nous laisses et tu t'en vas. Que ne suis-je mort à la messe? Et oui, ben du 78 tours et que l'on pourrait, on pourrait encore en avoir d'autres, voire peut-être même, ben on a déjà eu du cylindre d'ailleurs même dans cette émission suite ben à une espèce de méga bug là du côté de des collègues qui nous avaient annoncé une émission de Noël qui n'était pas prévue, donc vite fait, quoi, je suis allé chercher un truc qui soit dans le domaine public et c'était un cylindre pour ne pas décevoir tous ceux qui adorent les chants de Noël et en écoutent toute l'année. Il y en a beaucoup, évidemment. Et donc, cette complainte des pianos dans les quartiers aisés, donc c'est un poème donc, de Jules Laforgue. Donc, je. Ah bah non, j'ai oublié le nom du recueil. Bon, tant pis, hein, bon, ben, je l'ai pas sous la main, ça, donc on passe au suivant, alors, ben, mémoire phénoménale, effectivement, aujourd'hui, c'est, on peut le dire, hein. Donc, après, ben, on reste toujours dans la chanson francophone, avec S, qui nous a, donc, qui, donc, ça a été composé par Didier Guyon-Cotard, 26 décembre 2006, à le jour de la Saint-Étienne, ici dans le Hellsass. C'est un jour férié, la Saint-Étienne, on se repose des festivités de Noël, on a un jour férié en plus, et ça a été d'ailleurs plusieurs fois réaffirmé, même à l'Assemblée nationale à Paris, malgré les protestations de certains. Ben oui, ben la solution serait peut-être que ce jour devienne férié aussi dans le reste de la France, mais je ne suis pas sûr que ça arrange tout le monde, seulement ceux qui travaillent. Ils s'aiment d'eau et d'amour, donc c'est ça qui a été composé donc le 26 décembre, et c'est une version remixée de cette chanson francophone sous licence Creative Commons by SA 2.0 et autoproduite. Et ben, ça a été ben, le 27 décembre 2006, ça a été mis en ligne. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, je ne... Ah, ben, j'ai... Alors, ma page HTML n'est pas tout à fait à jour, d'ailleurs. Alors, on va faire comme ça. Hop, glisser, copier, nouvelle fenêtre. On ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et qu'est-ce qu'on voit sur son profil Dogmazic? Merci de vos commentaires, vive la musique libre, album en cours de constitution, avec des codes barres en plus en pochette d'album. J'adore les codes barres, c'est tellement, personnalisant, bientôt on en aura sur nous-mêmes, on va nous les... si ça continue, hein, ils vont aussi nous en mettre, nous les tatouer. Ou alors ils vont nous mettre des puces tout simplement dedans. Ah ben, il y a un site web, desguillon2.free.fr, donc http://dguillon2.free.fr/. Et là, ben, vous avez tout simplement un dossier avec des sous-dossiers. Donc, on va sur Parent Directory. Et puis ensuite, Dogmasic Formation, RLIBER, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Dogmasic Formation, personnel. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a ? Modèle présentation. Logo. Qu'est-ce que c'est que... Alors, on a un truc... On a des logos, tout simplement. Plusieurs logos. Avec... on voit qu'il travaille pour Dogmasic. Ça se remarque sur son site. Mais bon, finalement, vaut peut-être mieux rester sur la page Dogmasic. Et voire même visiter aussi tout le reste du site Dogmasic. Parce qu'il y a 31 000 morceaux bientôt. Presque 3 000 groupes. Il y a de quoi faire. Et donc, parmi ces 3 000... Donc, il sème d'eau et d'amour par S. Ah, il y a un petit commentaire. Version remixée suite à quelques commentaires judicieux du nouveau matériel d'enregistrement et un peu plus de maturité. L'eau, c'est la vie. Une belle chose pour retrouver à honorer l'amour. Ah, ben oui, si j'avais commencé par là, tout simplement, ça aurait été un petit peu plus rapide. En ce jour merveilleux, scintillent leurs yeux. Une source de lumière, d'eau et de vie. Un amour fort et limpide, comme l'eau claire, nourricière, alitée sur nos terres, creusant les pierres, même le granit, reflétant le soleil. Sur les rives, vie mobile. Ils s'aiment d'eau ou d'amour, veulent voguer à leur tour. L'union de deux êtres bouillonnant de vie. Cet avenir merveilleux se profile à nos yeux. Un je ne sais quoi de pur qui nous rend tous heureux. C'est leur amour fort et limpide, comme l'eau claire, nourricière, alitée sur nos terres. Creusant les pierres, même le granit, traversant les contrées et les fibres de la terre. Ils s'aiment d'eau ou d'amour, ils nous imbibent à leur tour. L'union de deux êtres bouillonnant de vie. Et on se laisse surprendre par la fin de donc Il sème d'eau et d'amour par S. Alors je salue Anti-Blues qui vient d'arriver sur le chat IRC, mais on dirait que personne n'écoute selon l'outil statistique. Mais est-ce que cet outil est vraiment fiable, puisqu'on passe de 0 à 9, puis à 3, à 4 secondes d'intervalle. Donc je me demande un petit peu si les chiffres qu'il me donne sont pertinents. Mais on n'est pas là pour faire de l'audience en millions, c'est déjà pas mal d'être là pour partager un petit peu la musique qu'on a trouvée. Donc... On passe maintenant à la partie jazzistique de l'émission. À partir de maintenant, il n'y a que du jazz et du jazz et encore du jazz. Avec pour commencer Landin Swab. Où est-ce que j'en suis? Donc le sixième, même si bon, j'en ai supprimé un, donc il y a un décalage d'un chiffre. Je vais avoir un petit peu d'édition à faire sur ma page. Sur ma page d'information, celle que je livre avec la version peer-to-peer de l'émission. Je rappelle d'ailleurs que en peer-to-peer, vous avez du 256 à 320 kilobits au lieu de 80 kilobits pour l'archive dogmatique. Une qualité de diffusion nettement meilleure en termes de qualité d'écoute. Landin Swab, c'est le nom du morceau. Muckenfeld numéro 01, non, c'est ça le nom du morceau. Landin Swab, c'est le nom du groupe. 12 novembre 2007, tout simplement. Ça nous vient du net label Clinical Archive, et qui se trouve évidemment aussi sur Dogmazic, hein, dogmazic.net/landing. Celui qui se trouve sur le 8, le soulignement, SWABS. Et donc, c'est sous licence Creative Commons by NCND 2.5. We'll be right back. Thank you. It is nothing serious. It is nothing serious. It is nothing serious.